نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on va continuer à l'endroit où on était rendu hier soir. On n'a pas eu le temps de terminer. Et puis, avant de commencer, il y a juste un point que j'aimerais clarifier. C'est parce que hier, à la fin, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire. Et puis, je voudrais juste spécifier que on est en train d'expliquer un point sur des points de vue ou des paroles que Fatima Houda Pepe a émis dans certaines entrevues et aussi qu'elle a exprimé devant l'Assemblée nationale. Toutefois, le but de ce qu'on fait actuellement, c'est pas de l'attaquer elle personnellement. C'est pas ça le but, mais c'est de la prendre elle comme un exemple, étant donné que c'est elle qui en a parlé, et on prend ses paroles pour montrer des exemples de paroles et d'exemples de croyances qui sont contraires à la charia, contraires à l'aqida. Et c'est ça le but. Le but, c'est pas de l'attaquer dans sa personne ou elle-même. Bien entendu, elle est responsable de ce qu'elle a dit. Et puis, c'est sûr que les points qu'on fait, qu'on explique, s'appliquent à elle également. Sauf que, c'est pas une attaque à sa personne, en tant que personne, mais c'est pour tous ceux qui vivent les mêmes choses qu'elle. Et tous ceux qui ont la même tendance que cette femme. Donc, on était en train de clarifier un point au sujet de qu'est-ce qu'elle explique comme lorsqu'elle dit qu'il y a un groupe parmi les musulmans qui sont une minorité et que ce groupe-là, il veut imposer sa vision de l'islam sur les autres. Ok? Alors que, si on réfléchit un peu, elle est en train de faire la même chose. C'est-à-dire, elle aussi fait partie d'une minorité parmi les musulmans, ou parmi des gens qui se prétendent être musulmans, qui ont des visions laïques. Et ça, c'est pas la position de la majorité des musulmans. La majorité des musulmans ne connaissent même pas le mot laïcité. Ils ne vivent même pas de cette façon dont cette femme l'a vu. D'accord? Ils n'ont pas étudié dans les universités occidentales, ils n'ont pas un mode de vie occidentalisé non plus. La majorité des peuples qui vivent dans les pays musulmans sont des gens qui vivent sur la fitra, où ils vivent selon les bases de ce qu'ils connaissent de l'islam, ce sont des gens saints, et alhamdoulilah, ils sont loin de ces théories et de ces idéologies qui viennent des non-musulmans. Donc, elle aussi fait partie d'un groupe, et elle fait partie d'une minorité, et elle a sa vision de l'islam personnelle, et elle essaie de l'imposer aux musulmans et aux non-musulmans, parce qu'elle essaie de faire croire aux non-musulmans que sa vision de l'islam, c'est celle qui est la plus correcte, ou celle qui est plus proche de la vérité. Tandis que ceux qui, selon elle, sont des intégristes ou qui appellent les gens à appliquer les règles de l'islam ou de la charia, ceux-là, selon elle, sont une minorité qui est en dehors ou qui ne suit pas le grand chemin ou la bonne façon de comprendre l'islam. D'accord. Pourtant, si on regarde bien, c'est sûr que le fait que quelqu'un soit qu'on soit une majorité ou qu'on soit une minorité, c'est pas ça qui fait distinguer ou qui est le critère sur lequel on se base pour reconnaître est-ce que cette personne-là est sur la vérité ou non. C'est pas une question de nombre. C'est une question de suivre qu'est-ce qui vient d'Allah et de son messager. Si tu es seul à suivre la vérité, alors que tous les autres ont contredit la parole d'Allah et de son messager, alors que toi qui es sur la vérité, et même si tu es seul, ça ne diminue pas qu'est-ce que tu fais, c'est ce qui est bon à faire. D'accord? C'est pas une question de, par exemple, bon, il y en a 100 millions qui font ça, et il y en a 10 000 qui font l'autre, donc les 100 millions ont plus la vérité parce qu'ils sont plus nombreux que les autres. Ça peut être vrai dans la démocratie, un système démocratique, où on détermine la vérité ou la loi selon ce que la majorité décide. Mais dans l'islam, ce n'est pas de cette façon-là que ça fonctionne. La vérité n'appartient pas à la majorité, mais elle appartient à ceux qui suivent la preuve et qui suivent le Coran et la Sunna, qu'ils soient une majorité ou qu'ils soient une minorité. Et en fait, on regarde dans le Coran et on voit que Allah subhanahu wa ta'ala glorifie toujours la minorité, alors qu'il condamne souvent et presque toujours la majorité. Comme par exemple, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Mais la plupart des hommes ne savent pas. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ. Beaucoup de versets de ce genre dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala spécifie que la plupart des hommes sur la terre, ils ne réfléchissent pas, ils ne savent pas. وقليل من عبادي الشكور الى اتقامين تهتف reconnaissant وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. Et si tu obéis à la plus grande partie des hommes sur la terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est clair que en général le fait de dire qu'un groupe est une minorité, ça suffit pas pour le disqualifier ou pour montrer qu'il n'est pas sur la vérité. Au contraire, la plupart du temps, c'est toujours une minorité qui appelle le reste de la Ummah à revenir à l'islam. Et il y a beaucoup de preuves de ça dans les hadiths et dans le Coran. D'accord? Par exemple, il y a des hadiths qui disent, par exemple, بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَ لِلْغُرَبَى. L'islam est commencé d'une façon étrange et elle redeviendra étrange. Alors, bonne nouvelle, annoncez la bonne nouvelle du paradis aux étrangers. Et ce hadith-là, il est rapporté dans Sahih al-Bukhari, il est authentique. Et il y a un autre hadith aussi qui explique ce hadith-là. Et il dit, ce sont un nombre de personnes qui sont peu parmi un grand nombre, un nombre de personnes qui essaient de réformer les autres, de les ramener à la vérité, et ils sont parmi un grand nombre de personnes qui sont corrompues, et il y en a peu de gens qui les écoutent. Donc ce sont ceux-là qui sont al-ghuraba, selon cette version du hadith. Donc, subhanallah, c'est pas une question de savoir qui est la vérité ou la minorité, et c'est normal que la plupart des musulmans ils vont pas tous être des ulama de l'islam, ils vont pas tous être des savants. Donc c'est normal qu'il y aura toujours une minorité qui seront des savants et une autre majorité qui vont les suivre. D'accord? C'est certain, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis comme obligation à tout le monde de devenir des ulama. C'est sûr que si Allah avait obligé à tout le monde de devenir des savants de l'islam, eh bien, ce serait plus possible de vivre une vie sociale normale. Aussi, il y a un autre point aussi qui est important à comprendre sur le point de l'extrémisme. Et puis, c'est que elle définit ces gens-là, ce groupe-là dont elle parle, comme étant les extrémistes. Mais elle n'arrive pas à expliquer non plus qu'est-ce qu'elle veut dire par l'extrémisme. Parce que c'est possible que qu'est-ce qu'elle considère comme étant l'extrémisme fait partie de qu'est-ce qui est en réalité la modération ou le droit chemin, alors que certaines de ses idées à elle sont totalement extrémistes, sauf que elle est pas, ce sont des idées qui sont extrémistes du point de vue islamique, mais du point de vue de la loi de pensée occidentale, ce sont des exemples de modération et de tolérance, alors que pour nous les musulmans c'est de l'extrémisme qui est complètement en dehors de l'islam. Donc, comment on fait pour distinguer en tant que musulman qu'est-ce qui est extrême et qu'est-ce qui n'est pas un extrême? C'est que, en fait, modération. Et à la base, l'islam est modération. Hein? L'islam, c'est comme le chef l'expliquait hier, وكذلك جعلناكم أمة وسطا. On a fait de vous une nation du milieu, une nation modérée, une nation bien équilibrée. Et ça, c'est l'islam, c'est la nation des musulmans. Et Allah SWT dans le Coran, il a toujours condamné l'extrémisme de toutes ses formes, que ce soit l'extrémisme dans la croyance, que ce soit l'extrémisme dans les pratiques, que ce soit l'extrémisme dans toute forme d'extrémisme est condamnée. Et c'est pour ça que Allah SWT il a dit aux gens de l'Égypte, Ahl al-Kitab, la taghlou fi dinikum. Allah il dit dans le Coran, oh les gens de l'Égypte, ne faites pas d'extrémisme dans votre religion. Et dans ce verset-là, il rappelle aux chrétiens de ne pas faire l'erreur des gens qui sont venus avant eux, d'avoir rendu certains êtres humains au niveau de divinité et d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de dire que Jésus, par exemple, soit le Fils de Dieu, ou qu'il soit Dieu incarné, ou une trinité, alors ça, c'est une forme d'extrémisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala est en train de leur dire que de s'éloigner de cet extrême-là. Et, bien entendu, l'extrémisme est défini selon le Coran et le Sunna. Celui qui sort ou qui rajoute quelque chose dans l'islam, qui en fait plus que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, ça c'est celui qui ajoute, qui exagère. Et il y a l'autre extrême de ceux qui n'en font pas assez, ou bien qui en enlèvent. Donc ils veulent faire moins que ce que Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire. Et ça aussi c'est l'autre extrême. Et c'est l'autre côté de l'extrême. Et donc nous on doit être au juste milieu, c'est-à-dire suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le plus qu'on peut et de rester dans les limites que Allah nous a tracées. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fi al-din » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La seule chose, une des choses qui a fait que les gens qui étaient avant vous ont péri, c'était l'extrémisme dans la religion. » Donc toute forme d'extrémisme, c'est condamné dans l'islam. Et bien entendu, il faut comprendre que étant donné que ces gens-là, les laïcs, les démocrates et les gens de cette catégorie, pour eux, le fait d'appliquer la charia fait partie d'une forme d'extrémisme, ou de croire qu'on doit l'appliquer dans notre époque. Ça fait partie de l'extrémisme pour eux, alors qu'en réalité, c'est ça qui est la modération, ou c'est ça qui est le juste milieu, et c'est ça qui est la vérité. Donc, ça c'était le point numéro 3, et là on va faire entendre la citation numéro 4, Inch'Allah. Quatrième citation de Fatima Rouda Pétain. Au sujet de sa conception de l'islam comme étant une religion laïque. Madame Fatima Rouda Pétain, elle-même musulmane, ce qui est le cas, oui, vous êtes musulmane. On est toujours musulman, ou est-ce que, comme moi par exemple, j'ai apostasié, alors vous êtes toujours musulmane, pratiquante? Bien, écoutez, l'islam est une religion laïque, c'est une des choses que les gens ne connaissent pas beaucoup. Il n'y a pas d'intermédiaire. Oui. C'est-à-dire, dans le rapport que vous avez comme musulman, tantôt vous m'avez dit, est-ce qu'on est pratiquant ou pas, seul Dieu peut juger de votre conduite comme musulman. Oui. Dans l'islam, qui est une religion sans clergé, donc c'est une religion laïque fondamentalement. Et le musulman, la musulmane est en relation directe avec Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Alors dans cet islam, vous avez des gens qui sont croyants ou pratiquants. Donc ils vivent comme les catholiques, comme les autres religions, leur religion dans le quotidien. Parfait. Quel problème? Ces gens-là ne posent pas de problème. Ensuite, vous avez des musulmans qui ont une pratique sélective. Ils ne vont pas nécessairement pratiquer les cinq fondements de l'islam, mais ils vont fêter les fêtes religieuses, mais ils vont vouloir aller à la mosquée de temps en temps, mais etc. Ensuite, vous avez des gens qui ont pris peut-être leur distance par rapport à la religion, comme on en trouve dans les autres communautés, et qui ont plutôt un rapport davantage culturel, puisque cela fait partie de leur identité, etc. Mais d'une manière ou d'une autre, les musulmans ont un rapport direct avec Dieu. Ils vont décider eux-mêmes, pour eux-mêmes, du rapport qu'ils veulent avoir. Distant ou proche, c'est la vie. Alors, l'islam sunnite majoritaire est une religion sans clergé. N'en demeure pas moins que, fondamentalement, l'islam est une religion sans clergé. Et et donc il n'y a pas d'autorité religieuse comme par exemple pour les chrétiens et les catholiques en particulier, il y a une église structurée avec un. Et quand je vois le Logan May qui dit en ce qui me concerne que je suis une musulmane laïque, ben bonne nouvelle, c'est les musulmans semi sont laïques. Alors s'ils ne savent pas, il y a un grave problème. Leur discours, quand on amène une opinion qui est divergente, c'est d'excommunier dans une religion qui n'a pas de clergé, c'est aberrant. Ça, ça va cesser. Les intégrés n'ont pas d'autorité sur la communauté. Qu'est-ce qu'un imam? Un imam, c'est un guide de prière. C'est un personnage qui rentre dans la mosquée, qui a un rôle, qui est celui de guider la prière, qui guide la communauté dans ses questions religieuses. Mais en dehors de la mosquée, c'est une personne civile. Il n'a aucun contrôle sur la communauté en tant que telle. Il peut être chauffeur de taxi, l'imam, il peut être un homme d'affaires, il peut être un ingénieur, il peut être n'importe quelle profession. Mais dans une religion sans clergé, ces gens-là, et un certain nombre d'entre eux, se sentent institués eux-mêmes autorité religieuse. Yeah. Donc, subhanallah. Avant de commencer, j'aimerais clarifier quelques points. C'est que premièrement, bon, on se voit que Fatima Houda Pépin n'est pas tellement, elle n'est pas du tout connaissance de la religion musulmane. Elle a passé sa vie à étudier dans les universités et elle a, beaucoup de diplômes. Mais sur le plan islamique, il y a eu beaucoup de négligence et ça paraît tout de suite au niveau de la connaissance de l'islam. L'origine marocaine. Deuxièmement, yani, on sait qu'au Maroc, yani, il y a beaucoup de tendances soufies. Et yani, chez eux, il y a ça. On va expliquer que dans le soufisme, il y a quelque chose qui encourage même la laïcité. Du fait qu'ils divisent le religieux, yani, les religieux des non-religieux. Yani, ou, on va comprendre, on va expliquer ça un petit peu plus en détail. Et après, ça explique ça, ce point de vue-là ou ces choses-là, ça explique beaucoup de ses positions. Elle dit que l'islam est une religion laïque. Pourquoi? C'est quoi, quelle est sa preuve que l'islam est une religion laïque? Elle a donné deux réponses à cette question. Il y a fait, l'islam est une religion laïque, elle dit que, premièrement, pourquoi l'islam est une religion laïque? Parce que l'islam n'a pas de clergé. Le clergé, c'est quoi? C'est des prêtres, comme dans le christianisme, il y a des prêtres, des évêques, des papes, il y a une hiérarchie, c'est ça. Oui, mais même à ça, c'est pas la même chose. C'est vraiment une institution. Oui, c'est une institution. Exactement. Une institution bien définie. Comme si tu dirais l'État, le gouvernement. Leur gouvernement, c'est le gouvernement de la religion. Non, c'est ça. Donc, ça, c'est son premier exemple. Et la deuxième élément, ou le deuxième argument, qu'elle présente pour dire que l'islam est laïque, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre les croyants ou entre les croyants et Dieu. C'est direct. Donc, il y a plusieurs problèmes dans cet argument-là, puis on va essayer de comprendre d'où viennent ces problèmes. Premièrement, le fait qu'on n'a pas un clergé ou une hiérarchie d'hommes religieux, comme dans le christianisme, avec le pape, les évêques, les archevêques, les curés, les moines, ça ne signifie pas du tout qu'on soit laïque. Yani, le fait qu'on n'ait pas de clergé, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas laïque. Et le fait qu'on ait un clergé, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas laïque non plus. Le fait qu'on ait un clergé ou non, ça n'a rien à voir avec la laïcité, c'est ce que je veux dire. Yani, la preuve est que, soit par exemple dans la société actuelle, elle est laïque. Ici au Québec, la société est laïque, malgré qu'il y a un clergé. Souvent, quand on parle de laïcité, on dit affaire à l'État. Exactement, ça n'a rien à voir. Donc, comme le frère Hamza dit, ça n'a rien à voir. Et oui, c'est ça. La société actuelle est laïque, malgré qu'il y a la présence d'un clergé dans la société chrétienne. Et c'est même en fait ça qui encourage la laïcité. Parce qu'il y a déjà une division entre le religieux et le non-religieux. C'est ça que je disais, par exemple, pour les sœurs, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a les prêtres, il y a les religieuses, les sœurs, dans les couvents, il y a les moines et tout ça. Donc, on reconnaît que ces gens-là, ce sont des religieux, et que c'est normal qu'ils pratiquent la religion, et qu'ils vivent une vie religieuse. Mais ceux qui ne sont pas religieux, pour eux, c'est pas une obligation de vivre une vie religieuse. Pour eux, ils peuvent vivre une vie ordinaire comme tout le monde, et pas se limiter uniquement à adorer Dieu et à prier. Donc, le fait qu'il y ait cette division-là, ça aide. Le fait qu'il y ait cette division-là, ça aide à la laïcité, parce que ça dit, ok, vous allez vous occuper de votre milieu, de votre sphère, c'est-à-dire la sphère spirituelle et religieuse, et nous, on va s'occuper de notre sphère, c'est-à-dire la sphère politique, la sphère sociale et tout le reste. Et il ne faut pas qu'une des deux sphères intervienne dans l'autre. Bon, ça c'est un point qu'on peut dire qui fait que cet argument ne tient pas debout. Deuxièmement, cette explication n'est pas du tout la définition de la laïcité. La laïcité, c'est la séparation du politique et du religieux de façon à ce que la politique ne soit plus influencée par la religion ou que la religion ne soit plus influencée par la politique. Et aussi, c'est le fait de mettre toutes les religions à égalité vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire que l'État ne va pas préférer ou donner précédence à une religion par-dessus une autre. Donc ça, c'est la laïcité, qu'est-ce que ça signifie. Donc, ça n'a rien à voir, du fait qu'il n'y ait pas une hiérarchie religieuse institutionnalisée, ou, subhanallah, ça n'a rien à voir qu'il y ait un clergé ou qu'il n'y ait pas de clergé. Même s'il n'y a pas de hiérarchie ou de hiérarchie religieuse ou institutionnalisée dans l'islam, il y a tout de même des hommes qui ont comme rôle de porter, de défendre, de protéger, d'enseigner et de clarifier la religion pour les autres musulmans. La seule chose qui les distingue, par exemple, c'est leur grand attachement pour la religion, leur piété, leur savoir et leur crainte de Dieu. Ce sont des docteurs de la religion, ce qu'on nomme al-ulama, les savants, qui passent leur vie à étudier la loi d'Allah, sa révélation et sa religion. Il y a un autre principe aussi dans l'islam qu'on connaît, qui est la troisième source de tachir, de législation, c'est al-ijma. Okay? Et al-ijma, ça signifie le consensus des sahaba et le consensus aussi des mujtahidun. Donc, ça c'est quelque chose qui est reconnu par les ulama et par la umma. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَى بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et celui qui fait scission d'avec Allah et d'avec son messager, et qui suit autre que la voie des croyants, alors nous le laisserons se détourner comme il s'est détourné, et nous le voudrons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc ce verset-là, il est une preuve, et on est pour les jumaa, parce que Allah s'en parle dans ce verset, il ordonne aux gens, non pas seulement de rester attaché à Allah et à son messager, c'est-à-dire de suivre le Coran et la Sunna, mais aussi de suivre la voie des croyants, c'est-à-dire les mu'minins. Et Allah s.w.t. il dit aussi dans le Coran, فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et demandez aux gens du savoir, aux gens du rappel, aux gens du Coran, si vous ne savez pas, posez la question à ceux qui savent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ قَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. il y aura toujours un groupe, une portion de ma Ummah qui restera toujours victorieux sur la vérité, et ceux qui vont les se désavouer ou qui vont les abandonner ne pourront leur nuire d'aucune façon, et ils resteront sur cette vérité jusqu'à ce qu'ils vont rencontrer Allah, lorsque leur jugement va être établi. Et il y a l'autre hadith aussi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال هي من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. C'est-à-dire que, يعني comme le hadith on le connaît tous, il dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes, et les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et cette umma, elle dit, ma umma, elle va se diviser en 73 sectes, et elles seront toutes dans l'enfer, excepté une, et on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est laquelle, ya Rasulallah, de ce secte, qui va être au paradis, et il a dit, c'est celle qui suit ce que moi je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc, il y a une référence là, à suivre les compagnons aussi, et à regarder leur exemple, à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des sahaba. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre l'islam sans se baser sur la compréhension des sahaba. Parce qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas comprendre mieux que eux. Qu'est-ce qu'eux ont compris, qu'est-ce qu'ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'ils n'ont pas fait eux, on ne peut pas le faire. Est-ce qu'ils n'ont pas et ce que eux ont rejeté, nous on peut pas l'accepter. Lorsqu'ils sont tous d'accord sur une chose, ils ne peuvent pas être en désaccord dessus. Et lorsqu'ils étaient en désaccord, et là dans ce cas-là, c'est le devoir de ceux qui sont capables de regarder dans les preuves et d'essayer de découvrir parmi les opinions qu'ils ont eues entre eux qui étaient divergentes, d'essayer de comprendre laquelle était la plus proche de la vérité. Et lorsqu'on comprend, et aussi la façon dont dans l'islam on divise le pouvoir, on comprend tout de suite qu'il ne peut pas y avoir de laïcité. Et que c'est totalement rejeté. Par exemple, dans l'islam, on dit que premièrement, comme on l'a expliqué au début, c'est uniquement Allah qui légifère. On l'a expliqué hier. Et le fait de rendre quelque chose légal ou illégal, c'est un des droits qui appartient uniquement à Allah et aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a comme responsabilité et devoir de transmettre la révélation d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc le pouvoir législatif, c'est ce pouvoir législatif-là, il appartient uniquement à Allah, contrairement à la démocratie, où on donne le pouvoir législatif au peuple. Pouvoir législatif au peuple, et comme on dit, la chambre, l'Assemblée nationale, elle a le devoir de voter les lois et puis de légiférer. Donc ça, c'est une différence. Deuxièmement, on a le pouvoir juridique dans l'islam, et là, dans l'islam, il appartient aux ulama, le pouvoir juridique, parce que c'est bien entendu, ce sont aussi les juges dans l'islam, mais bien entendu, les juges, ce sont eux, ils font partie des ulama, ils font partie des savants, parce que c'est eux qui connaissent la loi du Coran, c'est eux qui connaissent la charia, c'est eux qui connaissent le Coran et la Sunna, et donc c'est à eux, c'est leur rôle de clarifier et d'expliquer aux dirigeants et aux hommes en général, aux musulmans en général, les lois d'Allah. Et c'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Oh, les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si tu lis le tafsir, on se retourne à Ibn Kathir ou n'importe quel autre tafsir, et tu regardes cette ayah, tu vas voir que lorsque les ulama ont expliqué qu'est-ce que ça signifie, wa ulil amri minkum, c'est-à-dire ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, ils ont clarifié que ce sont les ulama et les hukam. Les ulama, et les dirigeants. Les ulama ont le devoir d'expliquer et de clarifier les lois d'Allah aux dirigeants. Et ça, c'est le deuxième pouvoir, le pouvoir juridique. Et dans le troisième pouvoir, c'est le pouvoir exécutif. Et c'est celui-là qui appartient aux dirigeants. Donc c'est eux qui doivent faire appliquer la loi d'Allah. Donc les savants expliquent la loi, clarifient la loi, et les dirigeants appliquent, ils font appliquer cette loi. Ils font appliquer les lois, ils font appliquer les peines, ils veillent à la distribution des biens, à l'application des règles religieuses, à armer les combattants, à lancer au combat, à défendre les frontières contre les ennemis, à établir la justice dans la société, à défendre la croyance, et toutes ces choses-là, ça fait partie de ses responsabilités, c'est-à-dire les responsabilités du dirigeant. Il est pour la Ummah comme une sorte de berger pour ses moutons. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullukum ra'in, kullukum mas'oulun, an ra'iyatihi » et il a dit « Al-imam ra'in, huwa » etc. C'est-à-dire que vous êtes tous des bergers, et chaque berger est responsable de son troupeau. Et l'imam, le dirigeant des musulmans, il est un berger, il est responsable de son peuple. Et donc, à l'origine aussi, c'est les dirigeants qui dirigent aussi la prière. Les dirigeants, comme par exemple au temps des sahaba, au temps des tabi'in, le dirigeant, celui qui était le chef d'État, ou son représentant, c'était lui qui dirigeait la prière de l'Aïd, qui faisait le khutba, qui faisait la prière de Jumu'ah, des choses comme ça, c'était eux qui partaient guider l'armée dans le combat, ils partaient en avant, c'était eux qui étaient chargés de ça. Bien entendu, avec le temps, bon, ça a évolué, ça a changé, mais à l'origine, c'était comme ça. C'est donc impossible dans l'islam qu'on puisse imaginer qu'il y ait une laïcité. Même s'il n'y a pas de clergé. C'est vrai que l'imam dans une mosquée peut faire autre chose à part guider la prière. C'est-à-dire, elle dit dans son exemple que, par exemple, un imam, il rentre, il fait la prière, quand il a fini, il peut faire le taxi, il peut être ingénieur, il peut faire n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Ça peut être le cas, mais ça ne veut pas dire qu'on peut limiter ou mettre tous les imams au même niveau. Les imams de mosquée ne sont pas tous au même degré. Et il y a des imams de mosquée, la seule chose qu'ils savent faire, ils connaissent le Coran, ils connaissent une partie du Coran, ou suffisamment de Coran pour être capable de guider la prière, et ils connaissent les règles minimales de l'application de la prière, pour être capable de la faire en groupe et de corriger ses erreurs si jamais il fait une erreur durant la prière. Il connaît les règles de la salat, il connaît qu'est-ce qui annule la salat, il connaît qu'est-ce qui annule la purification. Les règles de base de l'islam, il doit les connaître. S'il sait ça, il peut faire l'imam. Ici par exemple, on va essayer de comprendre un petit peu. C'est que, comme je dis, l'imam d'une mosquée peut faire autre chose que la prière, non pas nécessairement un pouvoir juridique, comme on a dit, car être imam, ça demande pas plus que de connaître ce qu'on vient de mentionner. Et ça ne signifie pas non plus qu'on a un statut particulier. Toutefois, il faut comprendre qu'un imam qui a étudié, par exemple, la charia d'une façon approfondie, et qui a étudié les règles de l'islam et les sciences islamiques, lorsqu'il arrive dans une mosquée, eh bien, il peut faire plus que juste guider la prière. Il peut donner des cours, il peut enseigner l'islam aux gens, il peut donner des conseils aux gens lorsqu'ils en ont besoin, il peut leur clarifier certaines questions ou certains problèmes qu'ils ont dans leur vie. Et étant donné que, par exemple, c'est vrai que dans un pays musulman, il y a des mosquées, il y a des mosquées, des imams dans les mosquées qui sont uniquement là pour faire la prière et après la prière, ils s'en vont. Ils ne connaissent pas plus que ça. Mais, ici, on est, par exemple, ici au Québec, quoi, au Canada, ou aux États-Unis, dans les pays non musulmans, la façon dont la communauté est faite, on n'a pas accès à beaucoup de mosquées, et en même temps, ici, c'est pas, les mosquées sont pas entretenues par le gouvernement, comme dans les pays musulmans en général, c'est l'État qui a la charge de s'occuper des mosquées, en général, c'est comme ça, sauf si par exemple quelqu'un fait construire sa propre mosquée ou des choses comme ça. Mais, en général, l'État s'occupe de la mosquée et s'occupe aussi de charger, pour chaque mosquée, qu'il y a quelqu'un qui soit responsable de guider la prière dedans. Et il y a, malgré tout, des gens qui sont des ressources, où les gens peuvent aller pour poser des questions, pour comprendre l'islam, pour demander des questions sur toutes sortes de sujets. Tandis qu'ici, c'est limité, ces choses-là. Il n'y a pas des, il n'y a pas beaucoup de savants, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la charia. Donc, s'il y a des imams dans les mosquées qui sont aussi liés, alors dans ce cas-là, c'est normal que leur rôle et leur responsabilité augmentent en même temps, selon leur niveau de connaissance et selon leur capacité. Et comme par exemple, c'est sûr que par exemple dans certains pays musulmans, vous allez voir par exemple l'imam de, en Arabie Saoudite par exemple, l'imam de la mosquée à Médine, okay, il y a trois imams ou quatre imams, qui dirige la prière, et à la Mecque aussi. Sauf que, il y a aussi le Mufti, l'Arabie Saoudite. Et si vous demandez, si on vous demande, qui a plus de connaissances de l'islam, l'imam de la mosquée de la Mecque ou le Mufti de l'Arabie Saoudite? Eh bien, c'est évidemment le Mufti de l'Arabie Saoudite qui connaît plus. D'accord? Il est capable de faire des fatwas, il est capable de répondre aux questions que l'imam de la mosquée de la Mecque et de Médine n'est pas capable de répondre. Malgré tout, pourquoi alors on met pas pourquoi alors le chef ou le mufti, on ne le met pas lui à la place de l'imam de la Mecque? Parce que c'est pas son rôle, ou bien c'est pas là qu'il est le plus bénéfique pour les gens. Peut-être qu'il est plus bénéfique comme en étant uniquement en ayant uniquement le rôle d'un mufti et en enseignant la religion aux musulmans. Donc chaque cas est différent. Non, comme l'exemple Yom Arafah, c'est différent. On peut pas comparer les sociétés musulmanes et à vouloir appliquer ce qui se passe là-bas ici, puisqu'on vit dans un contexte totalement différent. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? C'est comme si, en réalité, elle essaie de nous faire comprendre que les imams de Moussia à Montréal devraient uniquement venir faire la prière et s'en aller. Et laisser les gens, les musulmans dans la communauté errer comme ça sans avoir personne pour leur clarifier l'islam. Et donc ça, c'est quelque chose de très, très grave, si les musulmans faisaient une chose pareille. Par exemple, dans un pays musulman, personne va aller se marier à la mosquée. En général, personne va se marier à la mosquée. On va aller se marier à la maison. Et même si on veut se divorcer, on va pas non plus aller se divorcer à la mosquée. On se marie à la maison, en famille, comme les gens, par exemple, au Maroc, ils font, qu'est-ce qu'ils appellent, le Fatiha. Je pense que vous connaissez ça. Donc, ils font le Fatiha. C'est-à-dire, en fait, c'est ça, le contrat de mariage. Ils se rassemblent avec le wali, le témoin, à la maison, et tout. Et puis là, bon, c'est comme on a mentionné hier les conditions du mariage, l'accord des époux, la présence du wali, les deux témoins et le mahar. Donc, le wali, il dit, je te donne ma fille, et l'autre, il répond, j'accepte, et ça y est. Ensuite, c'est même pas nécessaire qu'il y ait un imam présent, et c'est même pas nécessaire qu'il y ait un juge présent. Le simple fait qu'il soit là comme ça, qu'il fasse ça, c'est considéré comme un mariage selon la charia. Le reste, ce sont des conditions, ou pas des conditions, mais des règles administratives pour qu'on soit capable de mieux contrôler et organiser la société. Mais, paraît que le mariage, pour qu'il soit valable, c'est pas une condition. Donc, c'est la même chose aussi pour le divorce. On n'a pas besoin d'aller à la mosquée pour dire à l'imam, on veut divorcer. On peut divorcer comme ça, chez soi, ou n'importe où, il n'y a pas avoir à se référer à un imam. Mais le problème vient du fait que le gouvernement du Canada, ces gens-là, ils ne connaissent pas la charia, ils ne connaissent pas la réalité de l'islam. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu la question du mariage musulman, ils se sont dit que, bon, dans la religion catholique, quand on se marie, on va à l'église, devant les prêtres. Donc, ça doit se passer de la même façon chez les musulmans. Alors, ils ont donné le droit aux imams de célébrer les mariages. Les chrétiens, ils se marient devant les prêtres à l'église, donc, ils pensent que les musulmans doivent faire pareil. Un autre problème, et la base du problème, c'est toujours qu'ils comparent l'islam au christianisme. Ils veulent toujours comparer l'islam au christianisme. Parce que dans le christianisme, comme on le sait, le divorce, ça n'existe même pas. Les chrétiens n'ont même pas le droit de se divorcer. Parce que c'est complètement interdit dans leur religion. Ils peuvent se marier à l'église, mais s'ils veulent se divorcer, ils ne peuvent pas se divorcer à l'église, parce que le divorce est interdit. Donc, ils vont se divorcer civilement. D'accord? Et aussi, il faut se rappeler que, dans le christianisme, il n'y a pas de loi. C'est une religion uniquement spirituelle. Ils ont aboli complètement les règles qui étaient révélées à Moïse dans la Torah. À cause de Paul, il est venu trouver les autres compagnons du Jésus, et il leur a dit, on doit aller chez les païens, chez les grecs, et tout, et étant donné que ces gens-là, ils ne vont pas accepter nos lois, donc on va laisser tomber ces lois-là, on va dire que maintenant on est libéré de la loi, et donc on n'a plus besoin de l'appliquer. Et donc on va juste les appeler à une forme de religion spirituelle. Et ça, c'est contraire même aux paroles de Jésus qui sont rapportées dans la Bible, que Jésus a été supposément rapporté comme ayant dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour la compléter. Et les cieux et la terre passeront, mais pas un seul iota de la loi passera. Ça, c'était rapporté dans les paroles des livres des chrétiens. Donc, si c'était le cas, comment ça se fait qu'ils ont aboli complètement tous les règles de divorce, de mariage, et tous les autres de pureté, de ces choses-là qui faisaient partie de la Torah, mais qu'ils l'ont complètement rejeté. Donc, étant donné qu'ils n'avaient pas de loi dans leur religion, c'est arrivé au point où c'est les rois et les dirigeants qui faisaient des lois pour eux, pour les chrétiens. Donc, à cause de ça, bien entendu, toutes les autres choses, le mariage, le divorce, le commerce, tout ça, ça se faisait en se basant sur autre chose que sur la révélation. Donc, alors les chrétiens peuvent se marier, comme on l'a dit, mais ils ne peuvent pas se divorcer. Et même s'ils se divorcent civilement, leur mariage n'est pas reconnu, et leur divorce n'est pas reconnu, selon l'Église. Donc, s'ils se remarient par la suite civilement, ils sont considérés comme en état de l'adultère. Parce que selon eux, leur premier mariage est toujours valable. D'accord? Donc, selon l'Église, ils continuent encore à pratiquer l'adultère s'ils se remarient. Alors, à partir de ce moment, on peut comprendre exactement d'où vient l'incompréhension du non-musulman ou de la société canadienne ou québécoise ou autre, autre société non-musulmane vis-à-vis de l'islam. C'est parce qu'ils comprennent notre religion à travers leur religion. Ils essaient de faire toujours des parallèles pour essayer de nous comprendre. Et c'est de là que vient leur mauvaise conception même. Deuxièmement, Fatima donne un autre argument pour démontrer que l'islam est laïque. Et c'est l'idée qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Et encore une fois, c'est une idée qui est vraie à la base, mais qui n'est pas utilisée dans le bon contexte. Tout comme il est vrai qu'il n'y a pas de clergé dans l'islam, il est vrai que dans l'islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme, et c'est encore un exemple tiré d'une comparaison avec le christianisme. Parce que dans le christianisme, il y a des intermédiaires entre Dieu et l'homme, comme le fait de prier à Jésus ou à Marie, ou de prier à un saint de l'Église pour aller à Dieu, ou par le fait que lorsqu'on veut se confesser, lorsqu'on a fait un péché pour se faire pardonner, on doit aller se confesser à un prêtre. Et que c'est la seule façon qu'on peut avoir notre pardon, c'est d'aller dire notre péché à un prêtre pour qu'il lui demande à Dieu pardon pour nous. On ne peut pas passer directement à Dieu. D'accord? Donc, voilà ce que signifie, Yanni, le fait que nous, on n'a pas d'intermédiaire, c'est que nous, on n'a pas ces contraintes-là. On n'est pas obligé de passer par un saint, on n'est pas obligé de passer par un homme, comme un prophète, comme Jésus, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou n'importe quel autre prophète. On n'est pas obligé de passer par un prêtre pour aller demander pardon. On demande pardon à Dieu directement. Et, Yanni, ça c'est d'un point de vue. Mais d'un autre point de vue, ça c'est du point de vue, on pourrait dire que ça c'est du point de vue de l'ibad, du point de vue de l'adoration. C'est vrai qu'il n'y a pas d'intermédiaire dans ce point de vue-là. Mais du point de vue de la connaissance de la religion, du point de vue de la transmission de la religion, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous, il y a des intermédiaires. Hein? Par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous, il a passé par exemple, premièrement par l'ange Gabriel, Jibril, pour révéler son message au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui l'a transmis aux êtres humains, aux autres sahaba. Et les sahaba l'ont transmis aux tabi'un. Et les tabi'un, ils l'ont transmis à ceux qui les ont suivis jusqu'à ce que ça arrive à notre siècle. Donc ça montre qu'il y a un intermédiaire. Quand on dit de l'homme vers Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire, mais de Dieu vers l'homme, il y a des intermédiaires. Et c'est là qu'il faut faire la distinction. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'intermédiaire, mais ce n'est pas dans les deux sens. Et c'est de là que vient la différence entre les niveaux de connaissance de l'islam entre les gens. Et c'est là que vient, et c'est de là que vient le fait que il y a des musulmans qui sont plus savants que d'autres, et d'autres qui sont juges, et d'autres qui sont ignorants. Et ceux qui sont ignorants doivent demander et se référer à ceux qui ne sont pas ignorants. Donc ça c'est, Yanni, c'est clair. Et c'est pour ça que, Yanni, il faut faire attention quand elle dit des choses pareilles, parce que ça pourrait faire croire que, Yanni, dans l'islam, il n'y a aucune autorité religieuse, tout le monde peut dire ce qu'il veut et faire ce qu'il veut, sans, Yanni, faire une distinction sur lui. Il y a une différence dans le sens que, c'est pas tout le monde qui est au même niveau de connaissance, et donc, il y a ceux qui n'ont pas de connaissance à propos des règles d'Allah, des règles de la religion, ils doivent se taire. Ils ne doivent pas parler de ce qu'ils ne savent pas. Et quand elle dit qu'il n'y a pas de clergé du tout, tout le monde est libre de choisir la relation qu'il veut, eh bien, en fait, si on réfléchit sur ça, en réalité, on voit que Allah a blâmé les gens des autres communautés qui nous ont précédés, comme par exemple les juifs et les chrétiens, justement parce qu'ils ont abandonné les lois et les règles d'Allah, et qui n'ont pas respecté, et ils n'ont pas respecté leur engagement envers Allah SWT. Par exemple, Allah SWT dit, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأزرتموهم وأقربتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منهم أو منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. كيف تسمي عن سبيل Je vais vous le traduire. Après, je vais vous donner le tafsir d'Ibn Kathir, ce qu'il a dit sur ce verset. Ça signifie, et Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement de Bani Israël, les fils d'Israël. Et il a fait de eux 12 dirigeants. Il a mis pour chacun d'entre eux, parce qu'ils sont 12 tribus. Donc, il a mis 12 chefs, sur eux. Et Allah a dit, je suis avec vous. Tant que vous appliquez la salat, vous établissez la salat, et vous acquittez la zakat, et vous croyez en mes messagers, et vous, que vous les supportez, et que vous prêtez de votre argent, il y a un bon prêt dans la cause d'Allah, je vais vous pardonner vos péchés, et je vais vous faire entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Mais celui d'entre vous qui mécroit après cela, alors il s'est certes égaré du droit chemin. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَبِلَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. Et parce qu'ils ont brisé leur engagement, nous les avons maudits. Et nous avons rendu leur cœur dur. Ils déforment les paroles de leur contexte, de leur sens. Et ils ont oublié une partie de ce qu'ils avaient été rappelés. Et tu ne cesseras jamais de trouver ou de découvrir certaines de leurs trahisons, excepté un petit nombre d'entre eux. Alors, aie pitié d'eux et pardonne-leur, et Allah Ta'ala aime ceux qui sont parmi les bienfaisants. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Kathir? Il a dit Ibn Kathir, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. Allah SWT dit, parce qu'ils ont brisé leur engagement, nous les avons maudits. Et qu'est-ce que ça signifie? لَعَنَّاهُمْ, ça signifie أَبْعَدْنَاهُمْ عَنِ الْحَقِّ وَطَرَبْنَاهُمْ عَنِ الْهُدَى. C'est-à-dire, nous les avons éloignés de la vérité et nous les avons éloignés ou rejetés de la guidance. C'est ça que ça signifie l'ana, la malédiction d'Allah SWT. La malédiction d'Allah, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il nous éloigne de la vérité et qu'il nous fait sortir de la guidance. Et après, Allah il dit, parmi les, ça c'est certaines des punitions qui leur sont tombées dessus parce qu'ils avaient négligé ou nié leur engagement envers Allah. Alors, donc la première, c'est qu'ils ont été maudits. Et l'autre, c'est qu'il a rendu leur cœur dur. Et فَلَا يَطَّعِذُونَ بِمَوْعِذَةٍ لِرَنْضَتِهَا وَقَسْوَتِهَا. Yani, ils ne peuvent pas être exhortés. Peu importe si tu les exhortes à faire le bien, si tu les rappelles, si tu leur dis de, si tu les appelles à faire le bien, si tu leur mentionnes de faire le bien, si tu les rappelles d'Allah et si tu leur parles d'Allah, leur cœur reste dur parce que, yani, ils ont brisé leur pacte et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour les punir de ça, yani, il a fait que leur cœur devienne dur comme de la pierre. Ils sont plus capables de sentir une fois que ce soit de froid, d'émotion, de sentiment, lorsqu'on les rappelle dans leur santé. Et comme montre un autre point, le troisième, c'est يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Ils déforment le sens des mots, ils les font sortir en dehors de leur contexte et de leur sens. Et le chef il dit أي فَسَدَتْ فُهُمُهُمْ وَتَأَتَصَرُّفُهُمْ فِي آيَاتِ اللَّهِ وتأول كتابه على غير ما أنزله وحمله على غير مراده على غير مراده وقالوا عليه ما لم يقل. C'est-à-dire leur compréhension a été corrompue et leur manière d'approcher les versets d'Allah, elle est devenue mauvaise. Ils ont approché les versets d'Allah d'une mauvaise façon et ils ont interprété, c'est-à-dire ils ont interprété le livre d'Allah d'une façon contraire à la façon dont il avait été révélé. Et ils lui ont donné une signification qui est contraire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Et ils ont dit à propos d'Allah ce qu'ils n'avaient pas dit. Et après il dit comme quatrième point, وَلَسُوا حَبًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. C'est-à-dire, أي تَرَكُوا الْعَمَلْ بِهِ رَحْبَةً عَنْهِ. C'est-à-dire, ils ont oublié une partie de ce qu'on leur avait rappelé, c'est-à-dire ils ont laissé tomber l'application et la pratique de la révélation parce qu'ils ont considéré que d'autres choses étaient meilleures. D'autres choses étaient meilleures que la révélation. Voilà ce qui est arrivé aux Juifs, parce qu'ils avaient nié ou brisé leur engagement, ou parce que, si on peut dire dans les termes de Fatima Houda Pépin, ils avaient choisi d'avoir une relation, une mauvaise relation avec Allah. Elle dit, quelqu'un peut choisir la relation qu'il veut avec Allah subhanahu wa ta'ala, s'il est musulman. Il peut choisir d'avoir une relation sincère, d'appliquer les règles de sa religion, ou il peut choisir, s'il veut, une relation mauvaise avec Allah subhanahu wa ta'ala, une relation hypocrite, une relation non sincère. Donc, le fait de dire quelque chose comme ça, c'est des choses qui va nous amener, ou va amener les musulmans à devenir ou à avoir les mêmes punitions que Dieu a données à la nation des Juifs avant nous. D'avoir ces quatre aspects-là. L'aspect d'être maudit par Allah, d'avoir le cœur de ne plus être capable de comprendre la révélation d'Allah telle qu'Allah l'a révélée, et aussi du fait qu'on va abandonner la pratique et l'application d'une partie de ce que Allah nous a révélé. Et Allah, par la suite, dans la même sourate, il continue le verset suivant et il dit: وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Et parmi les gens qui ont dit nous sommes des chrétiens, nous sommes des gens qui suivent Isa ibn Maryam, qui prétendent le suivre, on a pris leur engagement à eux aussi, après les Juifs. فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Et ils ont laissé ou oublié une partie de ce qu'on leur avait révélé. Ils ont abandonné eux aussi la pratique et l'application de ce que Allah leur a demandé. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala a suscité entre eux des discordes et de la haine entre eux jusqu'au jugement dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les informer au jugement dernier de ce qu'ils faisaient. Hein? Donc, si tu vois, en fait, en réalité, les Juifs et les chrétiens, ils se regardent comment ils sont en fait. Subhanallah. Les chrétiens sont divisés en un grand nombre de sectes. Chacune d'entre elles prétend être les vrais chrétiens et les autres ne sont pas les vrais chrétiens. Et ils critiquent les Juifs et les Juifs critiquent les chrétiens, et etc. Et ça, c'est le résultat du fait qu'ils ont abandonné l'engagement d'Allah. Et c'est ces exemples-là qu'Allah donne au sujet des Juifs et des chrétiens, eh bien, ils s'appliquent exactement aussi à notre nation, à notre umma, c'est-à-dire la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aux musulmans. Si on fait les mêmes choses que ces peuples-là ont fait avant nous, on aura les mêmes punitions et les mêmes choses vont s'appliquer à nous. On va être maudits, nos cœurs vont être endurcis, on va déformer le sens de nous, de ce que Allah a révélé, et on va abandonner l'application. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui continue à se passer. Et on voit l'exemple dans les propos de ce que Fatima est en train de dire à la radio aux non-musulmans. Les chrétiens ont aussi ce que je viens d'expliquer. Et après, on peut comprendre aussi que qu'est-ce qu'elle dit est faux. Dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum al-salah, faman tarakaha faqad kafar. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le pacte qui existe entre eux et nous, c'est la prière. Celui qui la laisse a mécrit. Hein? Donc la prière, celui qui la laisse, il a mécru selon ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Malgré on sait qu'il y a une différence d'opinion là-dessus entre les ulama, est-ce qu'il est en dehors de l'islam ou non. Les ulama ont dit s'il a rejeté l'obligation, il a nié l'obligation, il est en dehors de l'islam, mais si il ne prie pas, il a reconnu son obligation, mais il la laisse paraître, une négligence, donc ça là il est fait, il est un musulman pécheur. Il a commis un grand péché, un très très très grand péché. Après, il y a d'autres versets, aussi l'exemple par exemple du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit « Umirtu an uqatil al-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimu al-salah wa yu'tu al-zakah فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Le hadith qui dit, j'ai été, on m'a commandé de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, et qu'ils appliquent la salat et qu'ils donnent la zakat. Et s'ils ont fait ça, ils seront protégés contre moi dans leur bien et dans leur sang. Hein? Illa bihaqq l'islam. Sauf pour un des droits de l'islam, et leur jugement est à Allah. Donc, d'après ce, en se basant sur ce verset, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, le premier khalifa de l'islam, a combattu les gens qui avaient refusé de payer la zakat, à cause qu'ils avaient refusé de payer la zakat. Donc, on voit que, dans l'exemple du Sahaba, il y a des preuves qui montrent que c'est pas vrai que des musulmans peuvent dire faire ce qu'on veut, et personne ne peut nous forcer, ou personne ne peut nous dire que qu'est-ce qu'on fait, c'est pas correct. Yani, celui qui a cette compréhension-là, il n'a pas basé cette compréhension-là sur les textes du Coran et de la Sunna. Une autre des preuves les plus claires que l'islam n'est pas laïque, c'est que l'islam contient des lois juridiques, des lois dans le commerce, des lois qui régissent le divorce, le mariage, qui régissent le code pénal, les punitions dans l'islam, et etc. C'est-à-dire que dans le christianisme, ces lois-là n'existent pas dans le Nouveau Testament. Vous pouvez lire le Nouveau Testament, les quatre évangiles et tous les autres livres des apôtres et les lettres de Paul, vous n'allez pas trouver les législations en ce qui concerne ces choses-là. La religion chrétienne, c'est une religion spirituelle seulement. Ça se voit juste sur prier, faire des œuvres de piété, et puis il n'y a pas aucune règle sociale, ou des choses de ce genre pour légiférer ou des lois religieuses. Contrairement à la Torah, l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a des règles. Et les juifs, les prêtres, les rabbins juifs ont rajouté encore des lois encore et des choses, des interdictions. Et beaucoup de ces lois-là sont des lois qui ont été révélées par Allah pour punir les juifs dans leur transgression. Parce que à chaque fois qu'ils faisaient des péchés, Allah leur durcissait la religion et leur donnait des interdictions. Alors, c'était comme une sorte de, étant donné qu'à chaque fois ils refusaient de se soumettre à Allah la première fois, alors Allah leur interdisait encore plus de choses, il leur rendait la religion encore plus difficile. Et c'est l'exemple, par exemple, dans Surat al-Baqarah, que lorsque Allah a demandé à ces gens-là de sacrifier une vache, à chaque fois qu'ils commençaient à poser au prophète Moussa toutes sortes de questions au sujet de cette vache, parce qu'en réalité ils ne voulaient pas la sacrifier. Et donc, au début, Allah leur avait donné l'ordre de sacrifier n'importe quel âge. Mais eux, ils ont commencé à vouloir spécifier, est-ce que c'est quelle sorte de âge, est-ce que c'est une jeune, est-ce que c'est une vieille, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour les punir, leur a fait décrire la vache qui était la celle qu'ils aimaient la plus parmi toutes les autres vaches. Et ils ont été obligés de la sacrifier malgré qu'ils ne voulaient pas. Hein? Donc, c'est un exemple. Et beaucoup de choses qu'ils ont fait, par exemple, en brisant le sabbat ou des choses comme ça, Allah les a punis en leur interdisant toutes sortes d'aliments et toutes sortes de choses. Donc, comme le cheikh a dit hier, c'est les ceux qui n'ont pas de loi du tout, puis ceux qui ont trop de lois, ils rajoutent des lois à l'ancien, ou s'il n'y en a pas. Donc, l'islam, c'est le juste milieu dans ce point-là. Dans ce sens-là, si la religion musulmane était une religion laïque, eh bien, elle devait être comme le christianisme. Elle ne devait pas avoir aucune règle. Elle devait être juste une religion qui se rapporte à prier, jeûner, et puis faire la zakat et le jeûne. Et puis ça finit là. Si c'était le cas, ok. On pourrait dire, oui, c'est vrai, c'est une religion laïque. Ou bien, même pas dire que c'est une religion laïque, parce que ça ne se dit même pas. Mais plutôt dire, ok, oui, c'est pas en contradiction avec la laïcité. Mais là, de faire des lois, soi-même, d'écrire des lois, des êtres humains, qui sont contraires aux lois que Dieu nous a révélées, et de dire les lois qu'on a écrites nous-mêmes avec nos mains vont avoir précédence sur les lois que Dieu nous avait données par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est absurde, c'est complètement contradictoire. Donc, on va passer à la cinquième citation. C'est juste un petit point, une surprise.